Troisième temps de notre série sur l'histoire des micro-États. Aujourd'hui, la fin de la Première Guerre mondiale dans l'Adriatique et la création de l'État de Fiume. Après avoir lundi évoqué les micro-États paradis fiscaux, puis hier nous être intéressés au Vatican, nous allons ce matin vous parler, dans la foulée de notre série d'il y a trois semaines sur la conférence de Paris sur la paix en 1919, nous allons vous parler de Fiume, ce port sur l'Adriatique qu'occupa avec quelques troupes l'écrivain D'Annunzio entre 1919 et 1920 et qui perdura comme État libre de Fiume jusqu'au milieu des années 20. Nous le ferons en compagnie d'Olivier Tostry, il est journaliste et écrivain, il publiera à la rentrée au mois de septembre pour le centenaire de cette expédition D'Annunzio. Donc à Fiume, il publiera un livre d'histoire sur ce qu'a été justement cet État libre de Fiume. Et nous le ferons également en compagnie de Fabrice Genet, il est historien, il est depuis Rome, il est historien spécialiste des prétentions italiennes sur les Balkans. Habitants de Fiume, j'ai voulu la guerre et je l'ai faite sans répit. Ayant appelé le peuple à la lutte, le poste le plus dangereux. J'ai combattu pour un idéal. Je vous laisse les morts qui ont combattu pour ce qu'ils croyaient juste et qui ont fait pour vous le sacrifice suprême. Je vous les confie pour que leur mémoire soit vivante à jamais. Un extrait de la voix de Gabriel D'Annunzio racontant, ou du moins haranguant ses troupes justement à l'occasion du Noël sanglant. C'est en décembre 1920, on en parlera dans un instant. C'était un extrait de l'émission 2000 ans d'histoire sur France Inter de 2003 avec Stéphanie Duncan qui traduisait Gabriel D'Annunzio. Bonjour à vous Olivier Tosserie. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous espérons avoir d'ici quelques temps Fabrice Genet puisqu'il devrait être avec nous depuis Rome. Il est historien spécialiste des prétentions italiennes sur les Balkans et vous-même, vous êtes journaliste de la presse française à Rome depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et écrivain également et vous vous êtes intéressé à cette épopée donc de D'Annunzio à Fiume. C'est un livre qui paraîtra à la rentrée de septembre pour l'anniversaire puisque c'est à ce moment-là que se déroule cette affaire en 1919. Si on veut comprendre ce que veut Gabriel D'Annunzio et ceux qui le suivent en allant à Fiume, il faut remonter à quelle période? Est-ce qu'il faut remonter à Garibaldi? Est-ce qu'il faut remonter à la fin du 19e siècle ou à ce qui précède tout juste la Première Guerre mondiale, Olivier Tosserie? Il faut remonter à l'époque de la République vénitienne. L'Italie, à la fin de la Première Guerre mondiale, revendique l'Istrie, la Dalmatie, ces terres sur les rives de l'Adriatique. En vertu de trois droits, elle veut exercer ces trois droits. Le droit historique, ce sont des rives qui faisaient partie de l'Empire romain. Dioclétien était même enterré à Split. Le droit culturel, puisque avec cette République de Venise, beaucoup de villes ont été créées sur la côte, en particulier donc Fiume, avec ses centres-villes peuplés d'Italiens, de langue italienne, de culture italienne, même si l'arrière-pays est slave. Et puis, elle veut faire valoir le droit du sang, 650 000 soldats italiens qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale pour faire en sorte que l'Italie devienne une grande puissance, récupère les terres irrédentes, ces terres qu'elle voulait arracher à l'Empire austro-hongrois pour parachever son unité. Et donc, c'est à la fin de la Première Guerre mondiale, un pays jeune qui va fêter ses 50 ans d'existence, mais qui maintenant a envie d'accéder au rang de grande puissance et de s'asseoir à la table des vainqueurs. Alors, ce terme de terre irrédente, effectivement, est très important pour pouvoir comprendre ce qu'est cette aventure de Fiume, cette création d'un État libre de Fiume, donc sur la côte adriatique. Qu'est-ce que ça comporte quand on est, comme vous, bon connaisseur de l'Italie, vivant en Italie, Olivier tosserie. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de terres irrédentes que on a du mal à comprendre en français? Est-ce que c'est l'Alsace-Lorraine? Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à ça? Ou est-ce que c'est très différent? Non, ça fait partie de la base du nationalisme italien, de ce qui constitue le patriotisme et le nationalisme italien sur lequel se sont basées les guerres d'indépendance italiennes au XIXe siècle, en 1848, en 1859, avec en particulier la participation de la France et de Napoléon III, en 1866. Et pour les Italiens, à l'issue de cette troisième guerre d'indépendance en 1866 et à l'issue de l'unité du pays en 1870, quand ils récupèrent Rome, il leur manque encore quelques territoires qui sont toujours entre les mains de l'Empire austro-hongrois. C'est 30, c'est le Haut-Adige. Ces terres-là vont focaliser le désir de l'Italie de parachever cette unité. Et c'est ce qu'elle va faire au cours de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est souvent considérée comme la quatrième guerre d'indépendance, celle qui va finalement permettre de faire atteindre à l'Italie ses frontières naturelles. Alors, c'est tout à fait intéressant parce que effectivement, on a vu lors des cérémonies du 11 novembre le président italien venir à Paris, comme d'autres présidents, mais il n'était pas considéré de la même manière. D'une certaine façon, il n'appartenait pas à cette grande tribune sous l'Arc de Triomphe où on trouvait côte à côte Vladimir Poutine ou Angela Merkel ou encore Donald Trump et Emmanuel Macron. Il était sur une autre tribune et peut-être y a-t-il quelque chose qui niche dans cette place diplomatique récente de cette contradiction vis-à-vis de cette Italie, parce que l'Italie change de casaque en plein cours de la Première Guerre mondiale. Elle part dans cette guerre du côté de la Triple Alliance et elle finira cette guerre du côté de ceux qui vont la gagner au bout du compte. Et il y a une sorte de peut-être méfiance qui est restée toujours vis-à-vis de ce retournement de casaque de l'Italie, qui est d'ailleurs un crève-cœur pour les Italiens encore aujourd'hui, de considérer qu'ils n'ont pas été totalement participants à cette victoire donc de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis et de leurs alliés, parce que ils ont versé beaucoup de sang pendant cette Première Guerre mondiale, Olivier Tosseri. Oui, c'est vrai que la diplomatie italienne a toujours été ambiguë et l'entrée en guerre de l'Italie n'est pas comme pour les autres pays l'occasion d'une unité nationale, d'une union sacrée. L'Italie, comme vous l'avez dit, commence du côté de la Triplice avec les empires centraux, mais prononce sa neutralité au début du conflit pendant toute une année jusqu'à son entrée en guerre au mois de mai 1915. Ça donne l'Italie est déchirée entre les neutralistes, ceux qui veulent maintenir l'Italie hors du conflit, et les interventionnistes qui veulent justement la faire rentrer du côté des alliés pour lui permettre de parachever son unité, comme je disais, et d'accéder au rang de grande puissance. Et ça donne lieu à des négociations secrètes entre le gouvernement italien et les alliés. Bismarck disait, les Italiens ont un très grand appétit, mais des dents pourries, pour dire justement qu'ils ont beaucoup d'ambition, mais ils ont beaucoup de difficultés à les concrétiser, souvent. Et l'Italie joue au début sur les deux tableaux, et c'est de négocier avec l'Autriche-Hongrie pour récupérer 30, récupérer quelques territoires en gage de sa neutralité. Et elle négocie avec les alliés. Ça donne lieu au pacte de Londres en avril 1915, exactement, où les alliés, très heureux de faire basculer l'Italie de leur côté, lui promettent un peu tout. Alors, c'est cette particularité de la diplomatie italienne toute récente, il faut bien le rappeler. Vous le rappeliez à l'instant même, Olivier Tosseri, qu'il n'a que 50 ans d'existence, cette Italie telle qu'on la connaît à ce moment-là, avec une monarchie, Victor Emmanuel, un gouvernement dont on disait hier, à propos de notre émission sur le Vatican, qu'il a longtemps été très laïciste, qu'il se voulait justement séparer des états pontificaux, de la papauté qui avait longtemps gouverné une grande partie de cette région, et ce gouvernement a une position neutraliste, disiez-vous, c'est-à-dire il dit on ne veut pas y toucher pour l'instant, en tout cas pour l'instant on ne veut pas y toucher, et d'autres, comme Gabriele D'Annunzio, qu'il faut faire rentrer dans le paysage désormais, ce poète exilé à Paris. Dès 1914, au moment de la déclaration de guerre, va dire « j'aime la guerre, il faut aller à la guerre » et va passer son temps, pendant qu'il est encore à Paris, entre 1914 et 1915, à valoriser cette idée que l'Italie gagnerait à rentrer dans cette guerre et il gagnerait non seulement une sorte de superbe et de nouvelle façon d'être conçu, reçu par les autres puissances internationales, mais également il gagnerait des territoires. Exactement, il exalte l'alliance entre les sœurs latines, entre la France et l'Italie. Il écrit de nombreux discours. Il vient à Rome, il revient en Italie à Gênes en avril et ensuite en avril 1915. En avril 1915 pour ensuite haranguer la foule à Rome au mois de mai. On appelle ça le mois de mai radieux. C'est amusant parce que il y aura un autre mai qui sera le mai rampant en 1969 après. Les grandes grèves dans le pays, bien à la fin du XXe siècle. Mais c'est vrai que ce mois de mai, avec ces adjectifs, est très différent. Le mois de mai radieux, c'est justement ce mois de mai où on va rentrer en guerre. Exactement, où l'Italie bascule dans la Première Guerre mondiale. Mobilise ses troupes et donc les porte sur les frontières du nord-est contre l'Autriche-Hongrie. Et le poète D'Annunzio devient un soldat, poète-soldat, à près de 55 ans à l'époque, 50 ans, 52 ans pour être précis, s'engage dans l'armée et va faire une guerre brillante dans tous les sens du terme, surtout avec une série de coups d'éclat, que ce soit dans les airs, sur terre ou sur la mer. Alors, on peut dire effectivement que ceux qui voudraient en savoir beaucoup plus sur D'Annunzio peuvent écouter l'émission Concordance des temps qui est diffusée il y a une dizaine de jours par Jean-Noël Jeannet et son équipe. Il recevait Maurizio Serra, l'auteur de D'Annunzio, le magnifique, paru récemment chez Grasset. Alors, ce D'Annunzio qui se lance donc dans cette aventure guerrière pendant la Première Guerre mondiale, est un personnage âgé, est un personnage qui est considéré comme parfois comme quelqu'un d'outrancier, un peu vantard, un peu une sorte de tartarin italien. Or, il y a véritablement chez lui une dimension héroïque qu'il a dans sa tête, mais qu'il veut expérimenter par le fracas des armes. Exactement, c'est... Surtout un homme qui a une terreur de l'ennui, de l'ennui existentiel et qui veut absolument embellir sa vie, lui donner une intensité toujours plus grande, toujours plus forte. Et effectivement, dans ce cadre-là, la guerre est un instrument idéal. Ce qu'expliquait Roger Caillois dans L'homme et le sacré, le fait que la guerre est le paroxysme des sociétés modernes, et ça pour D'Annunzio c'est exactement ça, et ça lui donne ça le remet aussi sur le devant de la scène, puisqu'il était exilé en France depuis plusieurs années, et il redevient un personnage aussi de légende avec ses actions, ce vol sur Vienne pour bombarder la ville de tracts pour appeler les Autrichiens à la reddition, avec des slogans, avec des discours, des poèmes pour haranguer les troupes et pour maintenir haut le moral des Italiens. Oui, d'ailleurs, certains ne s'y laissent pas prendre. Lorsqu'ils survolent certaines tranchées, des soldats disent, encore ce feignant qui veut se faire remarquer, avec cette idée qu'effectivement, il ne ferait la guerre que par intermittence et toujours avec une volonté de se faire remarquer. Fabrice Genet, vous êtes avec nous depuis Rome, depuis les studios de la RAI. Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Et désolé pour les petits retards à l'allumage que nous avons connus aujourd'hui. Vous êtes spécialiste de la question des origines de l'impérialisme italien dans les Balkans. On a, avec Olivier Tosseri, dressé une sorte de panorama de ce qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Mais il faut, disait Olivier Tosseri, remonter à la fin du 19e siècle pour pouvoir mieux comprendre, et peut-être même à la République de Venise. Qu'est-ce que, justement, cet impérialisme italien dans les Balkans signifiait pendant cette Première Guerre mondiale et comment les alliés, ceux qui vont remporter finalement la guerre, ont-ils perçu justement ces prétentions italiennes à exister dans l'Adriatique plus loin que ce qu'avaient obtenu justement les prédécesseurs des gouvernements italiens? C'est bien sûr une question fondamentale pour comprendre la naissance de ce micro-État de Fiume. Et donc, vous avez parlé, je crois, de l'intervention, de l'entrée en guerre de l'Italie en 1915. Ouais. L'Italie, donc, négocie avec la Triple Entente. Elle met sur la table un programme de revendication territoriale en Adriatique qui va être sanctionné par un traité secret, le pacte de Londres d'avril 1915. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que Fiume ne fait pas partie de ce programme de revendication qui est formulé en 1915. En fait, ce qui intéresse le gouvernement italien, c'est plutôt des positions stratégiques en Adriatique pour mettre sa côte est à l'abri d'attaques maritimes qui viendraient de l'autre rive de l'Adriatique. Mmh. Et Fiume n'est pas très intéressante de ce point de vue-là. Et ça veut donc dire que les Italiens ne sont pas tous d'accord sur justement ces prétentions italiennes sur l'Adriatique, et que D'Annunzio et ceux qui vont le suivre ensuite, et que le gouvernement italien d'un autre côté, vont avoir des positions antagonistes ou au moins critiques les uns par rapport aux autres sur cette volonté ou non de conquérir ce port de Fiume devenu depuis Rijeka. Vous avez raison, les Italiens ne sont pas du tout d'accord. En règle générale, on peut dire que l'écrasante majorité de la population est contre les aventures. Les masses ne voulaient pas la guerre, c'est une infime minorité bruyante, grâce à des personnes notamment comme D'Annunzio, qui ont forcé l'Italie à entrer en guerre. Certains historiens parlent même de quasi-coup d'État en 1915 pour faire entrer l'Italie en guerre. Donc après-guerre, la même question se pose. La plupart des gens veulent tout simplement un retour à la normale, qu'on satisfasse leurs besoins fondamentaux. Les paysans veulent la terre, les ouvriers veulent des salaires décents, et finalement, ces aventures nationalistes, ça ne les intéresse pas beaucoup. En revanche, l'impérialisme adriatique va cristalliser un certain nombre de frustrations du côté de la bourgeoisie qui, elle, globalement, s'est plutôt mobilisée pour l'intervention. Alors, il a un ennemi, D'Annunzio, dans cette période, Olivier Tosri, en particulier Giolitti. Il a des ennemis, et Giolitti, qui est un grand, disons, des gouvernements italiens de l'avant-première guerre mondiale, qui pensait, lui, que conquérir ces terres irrédentes, dont on parlait tout à l'heure, pouvait mettre à mal, justement, cette jeune nation italienne en voie de construction. Et il est évidemment totalement opposé à des tentatives militaires pour pouvoir conquérir ces rives adriatiques. Oui, il faut aussi rajouter, préciser qu'en 1915, quand l'Italie signe ce pacte secret de Londres, il y a deux éléments fondamentaux qui vont changer et qui n'ont pas été prévus à l'époque. C'est l'entrée en guerre des États-Unis et un président Wilson qui va, avec ses 14 points, mettre parmi les principaux le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'autodétermination des peuples. Et puis la disparition de l'Empire austro-hongrois qui n'était pas également prévu par les signataires du traité et qui aurait dû payer l'addition, qui aurait dû assumer cette défaite. Et l'Italie, à la fin de la guerre, se retrouve avec un président des États-Unis qui est hostile à l'impérialisme, hostile au pacte secret, à la diplomatie secrète qu'il veut bannir de la diplomatie internationale, qui se retrouve face à lui. Sonnino, le ministre des Affaires étrangères italien, qui a lui-même signé un pacte secret, qui veut faire valoir un pacte secret, et sans ennemi à qui faire payer l'addition. Alors, pendant toute la guerre, D'Annunzio, Fabrice Genet, va passer son temps à exhorter les troupes, à faire des actions d'éclat, on l'a dit avec Olivier Tosri, mais aussi à exhorter les troupes, à exhorter les Italiens, avec des phrases comme « Delenda Austria », avec des odes à la nation serbe, qui lui serviront d'ailleurs plus tard pour dire qu'il n'était pas hostile à ce qu'allait devenir l'ex-Yougoslavie, avec des textes publiés à Paris aussi, qui vont être des textes disant que la France est toujours aux côtés de l'Italie. Il y a donc une sorte de privilège de la parole que se donne D'Annunzio pour pouvoir justement préparer non seulement son pays à la guerre, le faire rester dans la guerre et peut-être tirer des bénéfices postérieurs, territoriaux, dans cette même guerre, à la fin de cette même guerre, Fabrice Genet. Effectivement, D'Annunzio a pour lui la force du verbe, ce qui peut aussi expliquer un certain manque parfois de cohérence dans ce qu'il avance. Oui. Hein, il recherche surtout la formule. Hein, je crois que la belle formule. Je crois que vous l'avez dit précédemment. Mm-hmm. Mais effectivement, il joue un grand rôle dans cette mobilisation des nationalistes en 1915, puis au lendemain de la guerre. Mais encore une fois. C'est le fait d'une infime, d'une minorité, disons réduite, et D'Annunzio a quand même beaucoup d'ennemis en Italie. Oui, il dit par exemple à la classe 1899, le 12 décembre 1917, il dit de Sicile et de Lombardie, des Pouilles et de la Sardaigne, de Ligurie et de Calabre, de toutes nos terres et nos contrées, bruns ou blonds, l'œil clair ou l'œil noir, pâles ou bronzés sous le casque de fer et dans l'uniforme fruste, vous avez tous le même signe fraternel au front et la même grâce vous effleure. J'ai aperçu l'un de vous qui dormait placidement auprès des vétérans sans sommeil, touché par la virginité de la victoire, et par vous aujourd'hui dans le sillon de notre plus belle bataille va ressurgir le laurier, donc des références effectivement à la fois à l'épopée garibaldienne, puisqu'il rentre en Italie, Olivier Tosseri, pour pouvoir inaugurer en particulier un monument aux mille en 1915, mais aussi au grand empire romain, à la grande mystique, pourrait-on dire, italienne de la fin du 19e siècle. Oui, et l'Italie, même si les Italiens n'étaient pas massivement favorables en entrant en guerre en 1915, en 1918, ils veulent quand même obtenir les fruits des sacrifices consentis. Et c'est une opinion publique qui est quand même chauffée à blanc par la verve de D'Annunzio, par aussi la classe politique italienne qui essaie de masquer ses difficultés à la conférence de Paris pour essayer de faire valoir ses droits. Albert Londres, qui est envoyé en reportage dans la péninsule à ce moment-là, écrit que l'Italie, depuis le conflit, ne forme qu'un seul bloc sur lequel le raisonnement a cessé de mordre. Elle est propice à succomber aux sirènes nationalistes et impérialistes de D'Annunzio. Et on chante ou on joue beaucoup la légende du Piave qu'on écoute maintenant. La légende des Piave, donc par la bande de l'orchestre de l'armée italienne, donc une chanson qui fut composée en 1918 à la fin de cette guerre. Fabrice Genet, vous êtes avec nous ainsi qu'Olivier Tosseri pour évoquer ce qui s'est passé du côté de Fiume à la fin de la Première Guerre mondiale. On a fait une série d'émissions il y a maintenant 3 semaines dans la Fabrique de l'Histoire consacrée à cette conférence de la paix où on s'est bien gardé de parler justement de ce moment-là puisque nous savions que nous ferions cette émission. Quels sont les acquis pour l'Italie de cette conférence de la paix? Est-ce que ce sont des acquis importants, Fabrice Genet, ou est-ce que, au contraire, ils sont là pour pouvoir justement accélérer la frustration d'une partie des Italiens? Vous avez mentionné tout à l'heure les 14 points de Wilson. Il y a un point qui est spécifiquement consacré aux frontières de l'Italie et il est assez flou. Ce qu'obtient l'Italie, c'est tout de même pas négligeable, c'est la région du Trentin, autour de la ville de Trente, dans les Alpes. C'est aussi la région de Trieste, hein, qui était le principal port de l'Autriche-Hongrie. Et puis la presqu'île de l'Istrie. Donc finalement, le programme des irrédentistes du 19e siècle, qui était résumé par le slogan Trento et Trieste, donc Trente et Trieste, est satisfait. Mm-hmm. Mais c'est les nationalistes, encore une fois, vont vouloir aller plus loin. Mm-hmm. Et pour revenir à la discussion précédente, il y a quand même un bon indice du caractère minoritaire des nationalistes, c'est le résultat des élections du 16 novembre 1919. Mmh. C'est un triomphe des partis qui étaient hostiles à l'intervention de 1915, c'est-à-dire le Parti Socialiste et le Parti Populaire, mmh. qui vient d'être créé pour ce dernier. Et c'est un effondrement des libéraux de droite qui avaient voulu l'entrée en guerre. Et puis les fascistes, quant à eux, n'ont aucun député. Oui, donc effectivement, ça conforte votre idée, effectivement, qu'il n'y avait qu'une pointe avancée ou une pointe volontaire, très volontaire, pour pouvoir poursuivre ces conquêtes territoriales dans l'Adriatique. Alors, ce qui se passe, c'est que effectivement, après avoir été déçus, les Italiens, dit-on, apprennent que Orlando, qui était présent à la conférence de Paris, pleure quand Wilson lui annonce ses propositions sur la Dalmatie et Fiume à la Yougoslavie, l'Istrie et Trieste à l'Italie. On dit aussi, et c'est rapporté par Maurice Ossera, que Clémenceau, devant ses pleurs, dira « si je pouvais pisser comme il pleure », c'est ça la phrase qu'utiliserait Clémenceau pour pouvoir, disons, rabattre les prétentions italiennes dans cette région. C'est à ce moment-là que D'Annunzio écrit ses aveux de l'ingrat, où il demande encore à la France de se mobiliser autour de ses prétentions italiennes dans l'Adriatique. Et D'Annunzio qui, juste avant même la fin du conflit, en octobre 1918, a inventé cette formule qui va rester, qui s'appelle la victoire mutilée, qui a une puissance évocatrice aussi forte que celle des provinces perdues pour la France que vous évoquiez tout à l'heure, et qui résume bien l'état d'esprit des Italiens, de l'Italie, face à cette paix qu'elle... Elle estime qu'elle a eu beaucoup d'hommes pour gagner la guerre et elle cherche un homme pour gagner cette paix et elle va le trouver en Gabriele D'Annunzio. Alors il va y avoir donc ce fameux disobedisco, je désobéis, il désobéit à son souverain, à Victor Emmanuel, en mai 1919 et il va ensuite considérer qu'il doit partir depuis Venise et depuis Mestre où il se trouve donc en résidence à Venise, il doit partir pour cette ville de Fiume. Vous nous expliquez, Fabrice Genet, pourquoi avoir choisi Fiume et pourquoi avoir autour de lui des gens aussi variés que des bolcheviques, des futuristes italiens, des poètes, des anarcho-syndicalistes, peut-être des futurs fascistes pour certains d'entre eux, autour de lui pour cette expédition à Fiume en 1919 ? Il faut savoir que D'Annunzio a été contacté par un ancien combattant fiumain, Giovanni Ostventuri, qui est à la tête de troupes de paramilitaires depuis le printemps 1919, parce que il sent que les alliés, effectivement, sont susceptibles de céder Fiume à l'État yougoslave qui est en train de se constituer. Et il va, au printemps 1919, chercher des contacts en Italie, auprès des milieux nationalistes. Il va contacter les industriels de l'armement, il va contacter Mussolini, et il va contacter D'Annunzio, qui est effectivement la carte maîtresse. D'Annunzio va répondre à son appel. Et pour répondre plus précisément à votre question, je crois que pour comprendre l'affaire de Fiume, il faut se rendre compte de l'importance du phénomène ancien combattant. Mmh. C'est-à-dire que la guerre a démobilisé des jeunes hommes habitués à la violence en très grand nombre. Alors, beaucoup d'entre eux sont des paysans qui rentrent dans leur campagne et qui occupent les terres au nom du partage des terres qu'on leur a promis après Caporetto. Mais un certain nombre de ces anciens combattants, plutôt des officiers de la bourgeoisie, mmh. eux ont la nostalgie de la camaraderie des tranchées, ce qui peut expliquer le côté un peu socialisant de certains mots d'ordre de D'Annunzio, mmh. tout en ayant aussi la nostalgie d'une hiérarchie fondée sur la force. Et parmi eux, parmi ces anciens combattants, il y a beaucoup d'arditi, c'est-à-dire des sortes de commandos, hein, c'est les troupes d'assaut qui ont la couleur noire pour distinctif. Alors ces arditi, vous vouliez y insister, Olivier Tosserie, sont importants parce que ce sont ceux qui vont suivre en partie D'Annunzio dans son aventure à Fiume. Comment les qualifier dans le milieu, pourrait-on dire, de ces militaires qui ont fait la guerre en Italie, donc et du côté de l'Italie, pendant la Première Guerre mondiale. Oui, ardire en italien, c'est à la fois outrecuidance et courage. C'est les arditi, c'est Capitaine Conan de Tavernier. C'est ouais. Nettoyeurs de tranchées. Les tranchées qui prennent d'assaut les tranchées. Les officiers sont souvent issus de la bourgeoisie ultranationaliste. La troupe est plutôt issue de milieux populaires avec une sensibilité anarchisante, républicaine. Mais à l'inverse des troupes d'assaut, par exemple allemandes ou austro-hongroises, la discipline est moins respectée dans ces troupes d'assaut. Elles se considèrent l'élite de l'armée italienne et elle ne peut pas concevoir un retour à la normale après 3 ans de gloire et d'héroïsme sur le champ de bataille. Mario Carli, qui est un futuriste, qui est aussi un ardito, qui a participé au conflit, écrit « Nous aussi, nous voudrions que la vie nous offre de la joie, de la soie, du parfum, mais nous ne le voulons pas, nous ne le pouvons pas, nous ne savons pas. Pour nous, la paix est un mot vide de sens, creux. On ne peut pas rentrer dans le moule brisé par le cataclysme. » Et c'est ça, il y a une dimension existentielle pour ces jeunes hommes qui ont déjà à peine le conflit terminé, la nostalgie de l'inhabituel. Alors il y a donc dans cette aventure à Fiume de D'Annunzio et de ceux qui l'accompagnent, une dimension à la fois littéraire, on l'a compris, militaire et de courage de l'action, entre guillemets, mais qui les conduit à passer la frontière, à rejoindre dans une marche qui s'appelle la marche de Ronchi, c'est ça, à rejoindre ce territoire de Fiume, à y arriver avec des moyens qui sont à peu près ridicules et à s'y imposer. Qu'est-ce qui explique que, alors que les troupes britanniques et les troupes françaises avaient pris cet endroit juste après la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui explique que, en l'occurrence, D'Annunzio arrive à s'y imposer aussi facilement? Fabrice Genet. Très clairement, c'est la complicité des forces italiennes qui sont les plus nombreuses sur place. La complicité des forces italiennes, c'est ça? Oui, absolument. C'est-à-dire que parmi le contingent interallié que vous avez cité, les Italiens sont les plus nombreux. Donc, tout simplement, ils tiennent la zone. Et d'ailleurs, parmi les paramilitaires donc, qui vont constituer cette troupe de légionnaires de Fiume et de D'Annunzio, il y a un certain nombre de mutins de l'armée italienne. Mm-hmm. Quant au commandement italien, il regarde ça avec un mélange de méfiance et de bienveillance. Et tout simplement, les alliés, les Français, les Anglais, les Américains, sont trop peu nombreux pour s'opposer à cette marche. Et donc, il finit par s'y imposer, après avoir écrit un petit mot à Mussolini, « Mon cher compagnon, le sort en est jeté ». Donc, il s'impose là-bas, il devient un commandante. Donc, il devient le chef de cette partie de l'Adriatique qu'il va avoir sous sa coupe pendant un peu plus d'un an, Olivier Tosseri. Et autour de lui, on trouve donc Mario Carli, qui a déjà été cité, un Américain, Henri First, Guido Keller, qui est un Suisse, Alsace de Ambris, qui est un anarcho-syndicaliste. On y trouve aussi Léon Kochinski, qui est un Belge bolchevique. On y trouve Giovanni Comisso, etc., etc. Des gens très variés, ce qui permet à Maurizio Serra, dans son D'Annunzio le Magnifique, de dire ça peut ressembler, entre guillemets, bon, ça on peut en discuter, ça peut ressembler à ce que seront les brigades internationales un peu plus tard. Enfin, en tout cas, ça n'est pas qu'une entreprise italienne, il y a des gens autour de lui qui ne sont pas que des Italiens. C'est ça qui est étonnant, Olivier Tosseri. Oui, c'est une... L'épopée de Fiume, c'est un peu un déversoir de toutes les attentes, de tous les désirs. C'est l'occasion du siècle pour les gens qui y participent, que ce soit les nationalistes pour pouvoir renverser le pouvoir en Italie et essayer d'imposer la politique impérialiste qu'ils souhaitent, pour l'entourage proche des thèses bolcheviques ou syndicalistes révolutionnaires de D'Annunzio, c'est l'occasion aussi d'un renouveau socialisant et d'une utopie anarchisante pour les poètes que vous avez cités ou les écrivains. C'est une des aspirations existentielles et donc c'est très varié, c'est un kaléidoscope, c'est une boîte de Pandore qu'on a ouverte. Exactement, et qu'on a du mal à refermer, que l'Italie refermera dans la violence un an après. Voilà, et donc un exemple de ces poètes, le poète anglais Oswald Herbert Sitwell, cité dans une émission des Nuits Magnétiques et élu par Jean-François Bory. Au flanc de la colline, le palais, dans un style renaissance éléphantesque, était vaste et carré, mais à vrai dire, pas assez vaste. Les appartements de D'Annunzio étaient encombrés de plantes vertes dans des cache-pots en plâtre gravés d'ornements byzantins. Au milieu de cette verdure, des soldats déambulaient et des dactylos s'affairaient. Dans une galerie carrée, donnant sur la mer, se trouvaient les appartements privés sévèrement gardés. Il arrivait au poète d'y rester 18 heures d'affilée, sans prendre de nourriture. On ne devait alors le déranger sous aucun prétexte. En réalité, le maître y allait un petit peu trop fort sur la coke. La première chose qui me frappa fut sa ressemblance avec Igor Stravinsky. Le poète était couvert de rubans et de médailles, bien qu'il fût ridiculement chauve, borgne, nerveux et épuisé. Dès les premières secondes, son charme agissait. La République italienne, adroitement, attendit que les troupes de D'Annunzio s'épuisent sur place et envoyèrent un cuirassé entre le jour de Noël et le jour de l'an 1920 pour reprendre la ville de Fiume et la rendre aux alliés. D'Annunzio rentra en triomphe en Italie. Il avait à peu près terminé sa vie active ou d'agitation. N'allons pas trop vite, nous en sommes déjà au Noël sanglant de 1920. Fabrice Genet, il arrive donc, il s'installe, il devient commandante et vaté. Et ça veut dire quoi, vaté, république qui s'installe, cet état de Fiume qu'il installe et qu'il appellera d'ici peu la charte, l'état du Carnaval. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, peut-on dire, entre 1919 et 1920, parce que tout le monde n'a pas la même interprétation sur ce qui s'est passé à Fiume pendant ces quelques mois. Effectivement. Alors le Vate, c'est le poète prophète, ce qui est une des nombreuses appellations dont s'affuble flatteuse dont s'affuble D'Annunzio. Derrière la façade flatteuse, presque amusante que vous avez évoquée, avec ses littérateurs, ses artistes, cette cocaïne, ces figures comme Guido Keller, hein, qui se promène en Fiume, en pyjama et en pantoufles, coiffé d'un fez noir à tête de mort. Donc quelque chose d'assez frappant, d'assez baroque, oui. Derrière cette façade, il y a des pratiques extrêmement autoritaires de gestion de Fiume. Il faut savoir que l'État qui se crée de facto est noyauté par les autorités italiennes, hein, qui sont stationnées à peu de distance de la ville. C'est-à-dire qu'on les laisse aussi, faire d'une certaine façon. On les laisse faire, absolument. Et dans la ville de Fiume, il y a plusieurs officines de police, hein, qui surveillent les opposants, qui les fichent, qui les expulsent. Et puis il y a ces pratiques de violence quotidienne de cette foule d'individus plus ou moins recommandables, hein, ex-arditi, repris de justice, etc., qui fait que la population, finalement, n'est pas forcément ravie de la situation. Mmh. Et à côté du pouvoir de D'Annunzio, il y a celui du Conseil national fiumain, qui est celui qui a proclamé, qui a tenté de proclamer l'annexion de Fiume à l'Italie, et voyant que ça ne marchait pas à la fin de l'année 1918, a fondé cet État, ce micro-État de facto, et qui continue quand même à gérer les affaires aux côtés du pouvoir, en théorie absolue, de D'Annunzio. Oui, alors ça c'est la version noire que vous présentez, Fabrice Genet. Olivier Tosserie, il y a aussi une version plus rose, entre guillemets, qui dit, ben voilà, c'était un endroit où la sexualité était débridée, c'était un endroit où on pouvait être homosexuel sans être poursuivi, c'était un endroit où on avait beaucoup de cocaïne à sa disposition, où on faisait des fêtes tout le temps. C'est assez curieux d'ailleurs de mêler l'un et l'autre, comme si les deux légendes étaient totalement irréconciliables entre justement ce caractère autoritaire que décrit là Fabrice Genet, ce caractère peut-être préfasciste d'ailleurs, dit-on, et de l'autre côté un caractère qui serait presque libertaire. Oui, exactement, avec un Gabriel D'Annunzio qui n'est pas un homme politique, qui n'est pas un dictateur, qui n'a pas l'aspiration à devenir chef d'État. Il est une autre de ses maximes, c'est de dire que l'art de commander, de ne pas commander. Et donc il est dans cette ville de Fiume au début, suite à ce coup d'éclat sans vouloir nécessairement poursuivre par un coup d'État, et il ne pense pas du tout au coup d'après. Il est pas du tout, c'est pas un animal politique comme les Mussolini ou comme les Giolitti. Oui, et pourtant ils vont inventer une charte corporatiste, une charte démocratique et corporatiste, dont le terme d'ailleurs de corporatisme servira de modèle pour le fascisme qui va naître peu de temps après. Donc il y a quand même des gens qui vont écrire quelque chose qui ressemble à une constitution de cet État de Fiume. Exactement, parce qu'il y a la charte du Carnaro. Il y a deux grands moments à Fiume. La première partie, qui est donc du mois de septembre au mois de décembre, qui a un caractère plutôt nationaliste, impérialiste, avec son chef de cabinet Giurati, qui est un militaire. Et suite à l'échec d'un compromis avec le gouvernement italien, au début de l'année 1920, il confie à Alceste Deambris, qui est un syndicaliste révolutionnaire, la tâche d'être son chef de cabinet et d'écrire une constitution qui est une constitution vraiment révolutionnaire, innovante, à la fois libertaire, très démocratique, avec le début d'un État-providence, l'instauration de pensions de retraite, d'indemnités de chômage, le droit de vote aux femmes. Donc ce qui prouve bien qu'on peut y voir à peu près tout ce qu'on veut dans cette expression de Fiume, Fabrice Genet, puisqu'on va reconnaître l'URSS, on va reconnaître le Sinn Féin, donc en Irlande. Il y a donc des dimensions d'accord avec les revendications des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme les Irlandais, mais aussi la reconnaissance de la révolution bolchevique, et de l'autre côté, effectivement, une dimension d'ordre très particulière. Oui, je crois que les deux légendes que vous avez évoquées, la légende noire et la légende rose, sont tout à fait conciliables en réalité. Je pense que la fête d'Annunzien, ça correspond à D'Annunzio, son entourage et peut-être les quelques centaines ou milliers de légionnaires. Mais il faut bien se souvenir que derrière, il y a 50 000 personnes, peut-être un peu moins à cause de la guerre, qui vivent difficilement. Et tous les éléments de préoccupation sociale que vous évoquez seront présents aussi dans le fascisme. Et sont dus, je pense, à l'origine à la guerre, à l'expérience de la guerre, à l'esprit ancien combattant qu'on évoquait tout à l'heure, à la volonté quand même de récompenser les sacrifices des masses. Et puis encore une fois, tous les éléments que vous avez cités, les éléments progressistes que vous avez cités, peuvent se lire dans un sens comme dans l'autre. Par exemple, la reconnaissance par l'URSS, enfin la reconnaissance de l'URSS par Fiume, eh bien, elle s'explique aussi par le fait que l'URSS est le seul pays, enfin la Russie soviétique, l'URSS n'existe pas encore, est le seul pays à reconnaître Fiume. Donc il y a un argument d'utilité. Et puis le vote des femmes, ça peut aussi s'expliquer par la volonté de faire nombre face aux Slaves. Oui, et donc on a donc une ville qui est à 60%, c'est ça à peu près, italienne, avec un arrière-pays qui est évidemment totalement différent. Il y a une trentaine de pourcents des habitants qui seraient d'origine slave, et puis une dizaine de pourcents qui viennent d'ailleurs. Donc on a cette idée qu'il y aurait une sorte de culture italienne qui serait prédominante dans ce port de l'Adriatique, et que cela justifie justement cette domination italienne. Comment, par exemple, Fabrice Genet, gère-t-on les communautés qui ne sont pas italiennes dans cet état de Fiume, dans cette république du Carnaro? Oui, l'ordre de grandeur pour la répartition ethnique que vous avez cité, celui du recensement des autorités hongroises de 1910, qui est le seul dont on dispose. Peut-être faut-il s'entendre sur ce que signifie le mot italien à Fiume. Oui. C'est-à-dire que ce sont des italophones, ce sont des gens qui parlent chez eux un dialecte d'Italie du Nord-Est, et qui parlent l'italien standard dans leur vie publique. Est-ce que ça veut dire forcément que ce sont des gens qui veulent faire partie de l'Italie? Ça, c'est une autre affaire. Quant aux relations avec les autres communautés, eh bien, sous D'Annunzio, elles sont clairement répressives. Hein. Il y a un registre, quand on regarde les archives des forces de police, eh bien, on a l'obsession de ce qu'on appelle, entre guillemets, les menées anti-italiennes. Mmh. Olivier Tosserie, sur ce point, c'est-à-dire sur ce caractère policier et volonté de défendre cette régence du Carnaro, donc qui est créée par D'Annunzio et ses amis en 1919-1920. Parce qu'il ne passe pas celui qui voulait oser l'innosable n'ose pas justement proclamer une république, puisqu'il sait quand même qu'il a encore un entourage nationaliste, monarchiste, qui commence d'ailleurs à l'abandonner au fil de l'année 1920, quand il voit que la situation est en train de pourrir. Parce qu'en fait, c'est ça, le gouvernement italien avait trois possibilités, soit prendre la ville d'assaut, et c'était impossible. Badoglio, qui était au début le militaire italien, dans la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Aussi. Écrit d'ailleurs à Nitti, le président du Conseil, D'Annunzio a un prestige énorme. Il est considéré par tous comme le nouveau Garibaldi. Il suffit de quelques mots de sa part pour débloquer une situation. Les troupes n'obéiraient pas si on réprimait celle de D'Annunzio. Le gouvernement italien peut annexer Fiume, comme le réclame à corps et à cri D'Annunzio, mais là encore, il y a le veto américain et des alliés, ou la solution qu'il va choisir, c'est de laisser pourrir la situation et de reprendre la ville quand la situation sera mûre. Oui, c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Ça va pas durer très longtemps, cette régence italienne du Carnaro. Ça va s'arrêter en septembre 1920. Ça va durer donc à peu près une année, cette expérience de D'Annunzio et de ses amis à Fiume. Mais tout de même, Fabrice Genet, on va rester encore dans la région et ça va rester sous le terme d'État libre de Fiume. Ça va rester pendant quelques années, jusqu'au milieu des années 20, un endroit particulier, ce Fiume dans l'Adriatique. Effectivement, D'Annunzio et ses légionnaires sont expulsés en décembre 1920, et cela pour que soit appliqué le traité que l'Italie et l'État yougoslave ont signé à Rapallo en novembre, et qui prévoit effectivement la création d'un État libre de Fiume. Donc une fois les légionnaires évacués, il y a un gouvernement provisoire qui s'installe, et l'État libre de Fiume, sanctionné par ce traité, connaît une existence désormais de droit. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il est reconnu par les principales... Internationalement. C'est ça. On passe d'une situation de fait à une situation de droit, et cela jusqu'en 1924. Et c'est là que vont apparaître des acteurs qui ont été un petit peu éclipsés par le caractère flamboyant de D'Annunzio dans les récits sur Fiume, et qui sont les autonomistes. Les autonomistes fiumains, c'est-à-dire des gens qui sont partisans, qui ne sont partisans ni d'un rattachement à l'Italie, ni d'un rattachement à la Yougoslavie, eh bien, ils vont remporter les élections qui sont organisées en avril 1921. Oui, et ce sont les premières élections parlementaires dans cet endroit. Il y aura ensuite un coup d'État fasciste en 1922, et puis donc ce moment où la Yougoslavie va reconnaître l'annexion de la ville par l'Italie. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment ça se termine, cette aventure? Non pas l'aventure de D'Annunzio, il part dans sa retraite et il n'en sortira pas jusqu'à sa mort, en l'occurrence Olivier Tosseri, mais qu'est-ce qui se passe ensuite pour cette partie de l'Adriatique qui est la ville de Fiume, devenue Rijeka depuis? Bien, la libération au cours de la Seconde Guerre mondiale, elle est occupée par les Allemands, ce qui fait que la ville aura connu d'ailleurs les trois totalitarismes, le fascisme, le nazisme avec l'occupation allemande, et ensuite le communisme au sortir de la Seconde Guerre mondiale, puisque la Yougoslavie s'en empare, la rattache à la Croatie et fait disparaître toute trace d'italianité à Fiume. Fiume qui s'inscrit dans la liste des urbicides du XXe siècle, de ces villes qui ont disparu soit sous les bombes, soit dans le cas de Fiume, qui ont été épurées de la présence et de la culture italienne. Alors, il y a tout de même dans cette affaire quelque chose de très intéressant, c'est que en septembre prochain, certains ou certaines fêteront peut-être ou célébreront peut-être cette aventure d'Annunzienne à Fiume. Vous êtes tous les deux habitants à Rome, vous êtes à Paris ces temps-ci, Olivier Tosserie. Est-ce que vous pensez, Fabrice Genet, que on rappellera ce souvenir de Fiume, alors que c'est un souvenir très ambigu? On a compris que les Italiens étaient très divisés sur cette aventure D'Annunzio à Fiume, et qu'ils n'étaient pas tous d'accord sur cette histoire. Est-ce qu'on va faire ressurgir cette histoire dans la vie politique italienne aujourd'hui? C'est probable. Il faut savoir que, à la suite de l'épuration ethnique qu'a évoqué Olivier Tosseri, un certain nombre de réfugiés de Fiume sont venus s'installer, et de Vénétie julienne, sont venus s'installer à Rome. Il y a un quartier dans le sud de Rome qui est un quartier de Julien, et ils ont des associations culturelles assez puissantes avec un petit musée, et ils organisent, enfin ils entretiennent la mémoire avec aussi des opérations historiques. Mais je crois qu'on peut peut-être envisager les choses aussi avec optimisme, hein, c'est-à-dire que en 2018 par exemple, le bilinguisme de l'onomastique urbaine a été instauré. Donc c'est vrai que l'italianité a quasiment disparu, mais dans le cadre de l'Union européenne et de la réconciliation entre la Croatie et l'Italie, il y a des efforts qui sont faits pour maintenir ce souvenir de l'italianité. Mmh. Et d'ailleurs, en 2020, Fiume et Rijeka sera une des capitales européennes de la culture. Et oui, c'est ça qui était assez étrange, effectivement, c'est d'avoir nommé Rijeka pour la fin de cette aventure de D'Annunzio à Fiume en 1920, donc 100 ans plus tard, Rijeka sera capitale de la culture européenne, une des capitales de la culture. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui va se passer? C'est toujours difficile quand on est soit journaliste, soit historien de prévoir l'avenir, mais de ce qui va se passer entre septembre de l'année prochaine, donc septembre de cette année 1920 et décembre de l'année 2020, donc avec cette conclusion qu'on a appelée le Noël sanglant de l'aventure de D'Annunzio à Fiume. La figure de D'Annunzio est en train d'être redécouverte en Italie, cette période de l'histoire qui a été pendant des années oubliée ou rangée au rang de proto-fascisme et de dictature d'un poète soldat un peu exalté, est en train d'être revue sous l'angle justement du livre de Claudia Salaris sur à la fête de la Révolution avec le côté libertin de Fiume. Et peut-être que le centenaire donnera l'occasion de trouver un équilibre entre ces deux clichés, le cliché libertaire et le cliché chemise noire. Merci à vous donc qui étiez dans les studios de la RAI en Italie, Fabrice Genet, et merci à vous donc d'avoir été avec nous, Olivier Tosseri. Je rappelle que vous avez écrit un livre qui sortira à la rentrée de septembre en France chez Buchet-Sastel autour de cette histoire de Fiume. Demain, nous parlerons encore dans notre série sur les micro-États. Est-ce que c'est une particularité de ces rapports entre France et Italie à propos du documentaire sur la République des Escartons qui est entre le 14e et le 18e siècle a été une république à cheval sur la frontière entre la France et l'Italie du côté de Briançonnet. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Céline Leclerc. Jean-Frédéric, c'était aujourd'hui à la technique et Thomas Duterre à la réalisation.